Aujourd'hui est un jour meilleur, c'est le jour de notre alliance. On partage nos rires et nos pleurs, et ça sonne comme une évidence. Ma spéciale croit plus aux rumeurs, car les gens voudront nous diviser. Et si je marche avec toi, c'est parce que je t'ai choisi. Et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir, si amo sposati. Le monde doit savoir, plutôt balani. Le monde doit savoir, non visiva. Le monde doit savoir. C'est toi l'officiel, donc on va le fêter tonight. Oh, parle-moi bébé, dis-leur toi c'est moi bébé. Je te ferai beaucoup de bébés, plein